Tout le monde a trouvé la place pour choisir. Vino sera vendu dans cela, mais battez ça la pomme là. Pas prêt à régler ni remo, si ravan défoncé, personne va prendre à tout. Si d'adiman si zone, si zone ça la pomme là. Si nous les cas ordres, la libate l'aurait beau. Qu'est-ce qui arrive, tout le monde peut danser. On arrive en côte à côte, ces gars continuent. L'enfant pas vu que tu fais, t'es en champ brillé. Si je te dis bout d'un côté, qu'est travaille souffle. A ta nenti maman, ces gars pour raconter. A c'est la plus à la fin, vine un souvenir. Mais un couplet m'en gardé, ça sa mémoire oublié. Nouvelle dans Zilamba, nouvelle dans Zilamba.